Les vaccins Covid-19, désormais sous le feu des projecteurs de méthodes de mesures scientifiques. À la fin de l'été 2021, les autorités japonaises ont retiré de la circulation trois lots de vaccins Moderna contenant 1,63 million de doses en raison d'une contamination métallique. Pour la même raison, une suspension de la vaccination a suivi dans la province d'Okinawa en raison d'autres contaminations détectées dans d'autres lots. Peu après, des scandales ont à nouveau éclaté au Japon dans différentes villes en raison des vaccins contaminés de Pfizer. Début avril 2022, Moderna a retiré elle-même 764 900 doses en Europe en raison d'une contamination constatée. Poussée par les événements alarmants survenus au Japon et par des observations inquiétantes issues de leurs propres pratiques et de leurs recherches, qui ont révélé d'importantes modifications sanguines chez tous les vaccinés examinés, des médecins, physiciens, chimistes, microbiologistes, pharmacologues et naturopathes se sont réunis en un groupe de travail interdisciplinaire. Leur objectif est d'analyser en permanence le contenu et les substances actives des nouveaux vaccins Covid-19 et d'étudier leurs effets sur l'organisme et le sang afin de les présenter au public pour un débat critique. Sur la base de nombreuses observations et indications, selon les auteurs, il semble que l'Institut Paul Ehrlich ne remplisse pas ses tâches de manière suffisante ou suffisamment transparente. La population n'a pas la possibilité d'en prendre connaissance. L'équipe scientifique s'appelle « Groupe de travail information sur les vaccins » et est également soutenue par des juristes, des psychologues, des analystes et des journalistes. Selon ses propres dires, elle utilise des méthodes de mesure médicale et physique modernes dont les résultats se sont confirmés et complétés mutuellement. Parmi les vaccins examinés figurent les produits des entreprises AstraZeneca, BioNTech Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, pour ne citer que les plus connus. Le groupe Information sur les vaccins est relié à plusieurs autres groupes de travail avec divers collègues hautement qualifiés au niveau international qui, selon le communiqué de presse, mènent des études similaires avec des résultats concordants. Les résultats peuvent donc être validés à plusieurs reprises. Le fait qu'il s'agisse de recherches menées indépendamment de tout intérêt politique ou financier revêt une importance particulière. Le 5 juillet 2022, le groupe de travail a alors présenté au public, dans un premier recueil, ses résultats consternants. Dans la préface, les auteurs décrivent l'urgence de l'entreprise comme suit. Nous avons uni nos compétences et nos moyens techniques pour contribuer à l'élucidation de ce que nous considérons comme la plus grande expérience pharmacologique menée sur l'humanité. Jamais dans l'histoire de la science et de la médecine, on n'a osé faire d'une population entière, d'une espèce presque complète, l'objet d'expériences médicales ou génétiques. Mais passons maintenant aux résultats en détail. Premièrement, les composants toxiques ont été trouvés dans tous les échantillons de vaccins Covid-19, sans exception. Il s'agit en grande partie de composants métalliques qui n'ont pas été déclarés par les entreprises pharmaceutiques. En raison notamment de leur quantité, ils ne peuvent pas être expliqués comme des impuretés liées à la fabrication, c'est-à-dire comme involontaires. Cependant, aucune recherche approfondie n'a encore été menée sur les objectifs qu'ils servent et les effets qu'ils peuvent finalement produire chez les personnes vaccinées. Deuxièmement, des modifications notables ont été observées dans les échantillons de sang de toutes les personnes vaccinées. Des examens comparatifs au microscope à fond noir et des analyses d'images à l'aide de l'intelligence artificielle ont révélé les différences frappantes suivantes. Des structures cristallines inhabituelles n'avaient jamais été trouvées auparavant dans le sang des humains. Ces structures ont été trouvées le plus souvent dans le vaccin Comirnaty de BioNTech Pfizer. Outre la taille souvent inadmissible de ces particules, cela est inquiétant en soi, parce que personne ne sait où le corps va déplacer ces structures, préviennent les scientifiques. L'apparition de telles structures est si nombreuse et systématique qu'il ne peut probablement pas s'agir de contamination liée à la fabrication. des déformations et des processus de décomposition inhabituellement rapides des structures cellulaires des globules rouges, que l'on ne trouve normalement que chez les malades chroniques ou les personnes atteintes de maladies dégénératives graves. La formation de rouleaux, c'est-à-dire d'agrégats sanguins, qui n'apparaissent normalement que dans le sang de personnes présentant un risque d'accident vasculaire cérébral ou de thrombose. Toutes les modifications mentionnées ont également été observées dans le sang de tous ceux qui n'avaient pas encore constaté d'effets secondaires suite à la vaccination. Troisièmement, un lien statistique a pu être établi entre la fréquence des dommages vaccinaux dans les différents lots de vaccination et la qualité des vaccins ARNm utilisés. Les vaccins ARNm entièrement nouveaux de BioNTech Pfizer et Moderna sont introduits dans les cellules à l'aide de nanolipides. Ces lipides sont stabilisés par ce que l'on appelle un revêtement PEG. Plus cette enveloppe PEG des nanolipides d'ARNm est stable, plus l'ARNm pénètre dans les cellules, dans lesquelles la production de protéines Spike a leur lieu. Et plus le vaccin y parvient facilement, plus le risque pour le vacciné de subir des dommages suite à la vaccination est élevé, expliquent les scientifiques. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y aura pas de complications dans les lots dont les nanolipides sont recouverts de POG de moindre qualité. Il existe de nombreuses questions ouvertes concernant la manipulation des nanoparticules et de l'ARNm en tant que telle. Malgré cela, l'utilisation des vaccins dans le cadre d'un essai sur le terrain se fait par milliards sur des êtres humains, peut-on lire dans le rapport. Quels sont les risques à long terme pour toutes ces personnes vaccinées? Après avoir cité l'artériosclérose comme première conséquence à prévoir à long terme, les auteurs résument leur hypothèse comme suit. Les maladies auto-immunes, l'affaiblissement du système immunitaire, les processus inflammatoires, l'artériosclérose, etc. sont des maladies insidieuses qui peuvent entraîner des lésions organiques, de l'hypertension, des infarctus du myocarde, des maladies neurodégénératives et des cancers, et raccourcir l'espérance de vie. L'apparition de maladies occulte le fait que les vaccins COVID-19 pourraient en être une cause possible. Un nombre croissant de pathologies multiples devrait être examiné pour déterminer cette cause. Dans son excellente recherche, le groupe de travail arrive à la conclusion suivante. Afin d'éviter un danger concret et imminent pour la vie, l'intégrité physique et la sécurité publique, les programmes de vaccination COVID-19 doivent être immédiatement interrompus. Cela aurait déjà dû être fait depuis longtemps. Ce n'est que lorsqu'un large public se réveille enfin et se lève dans son propre intérêt que ce changement de cap urgent pourra être atteint dans la société et la politique. Vous aussi, aidez-nous de toutes vos forces et de toutes vos possibilités et diffusez toute information intéressante.